Oui, cette chronique s'appellera tout simplement Il paraît. Oui, il paraît. Il paraît que le coronavirus peut toucher tous les pays sauf le Gondwana. Il paraît qu'il suffit de regarder les chiffres depuis le début de l'épidémie et ça saute aux yeux, hein. Oui, j'ai bien dit épidémie et pas pandémie parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de dire pandémie, donc qui touche le monde entier, alors que ça ne touche pas le Gondwana. Donc il paraît, selon les mêmes sources, qu'on doit dire épidémie et puis c'est tout. Il paraît, ah, c'est vrai quoi, il paraît que le Covid-19 a peur de venir au Gondwana. Il paraît, oui, à chaque fois que tu le vois en traité démocratique république, ben, tu peux être sûr que c'est un corona importé, un corona clandestin sans papier, un corona migrant. Il paraît, oui, il paraît. Tu sais, je préfère répéter il paraît toutes les 5 secondes pour ceux qui prendraient cette chronique en cours, pour qu'il n'y ait pas mal d'onnes. Je répète il paraît comme on écrit publicité au début de la page de pub à la télé pour ne pas que tu confondes ça avec un vrai reportage de journal télévisé. Tu sais, il paraît que le Gondwana est indubitablement épargné par le coronavirus, hein. Oui, et il paraît que ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il fait très très chaud au Gondwana, 30, 38, 45 degrés. Il paraît que le petit coronavirus, là, ben, il supporte pas la chaleur. C'est un virus qui aime le luxe. Il aime les températures un peu froides, la climatisation, contrairement au choléra, au paludisme et Ebola qui adorent les endroits pauvres et chauds. Et comme le Gondwana est pauvre et chaud, il paraît que le coronavirus n'aime pas venir ici. Il paraît que le pauvre corona ne supporte pas dès qu'il fait plus de 20 degrés. Il paraît, même si c'est quand même bizarre qu'il survive dans le corps humain à une température de 36, 37 degrés, hein. Bon, il paraît que même cette température du corps humain dont on nous rabâche les oreilles depuis l'école primaire, il paraît qu'elle reste à prouver, hein. Il paraît. Et oui, il paraît que si tu manges des bananes 7 fois par jour, ben, tu peux pas choper le corona parce qu'il paraît que ce virus n'aime pas la banane. Il préfère la fraise, la framboise et les litchis. Il paraît aussi qu'il est recommandé de boire des boissons chaudes, thé et infusions pour tuer ce virus qui finalement est assez douillet pour un virus, hein. Il paraît également que le coronavirus ne supporte pas l'alcool. Oui, il paraît. Bière, vin, whisky, vodka, ça lui fait tourner la tête le coronavirus. Ça lui donne le vertige et il tombe. Il paraît que tout ce que je viens de dire là, il paraît que c'est la vérité, hein. On me l'a dit sur WhatsApp. C'est un message envoyé par un ami qui connaît une fille dont la mère travaille avec un gars dont le frère a un pote qui connaît un gars qui joue au football avec un gars qui travaille au burger. Non, à la CIA ou à l'Institut Pasteur. Bon, en tout cas, il paraît que c'est vrai. Peut-être. Il paraît. Bon, à demain.